Chapitre 7e. Et toi, demanda Adeline à sa femme en entrant dans leur chambre, dis-tu comme la maman? Mieux vaut que Berthe ne se marie pas que de devenir la femme d'un juif. Veux-tu donc ce mariage? Et toi, ne le veux-tu point? J'avoue que l'idée ne m'en était jamais venue. As-tu quelque grief contre Michel Debs? Aucun. Ne le trouves-tu pas beau garçon? Certainement. Intelligent, sage, rangé, travailleur. Je n'ai jamais rien entendu dire contre lui. Et au contraire, tu as entendu dire à moi, aux autres, à tout le monde, que les enfants Ekedeps, il est celui qui semble tenir la tête dans cette belle association de frères et de cousins, et que c'est lui, sans aucun doute, qui prendra la direction de la maison quand le père Rex se retirera. C'est vrai. Eh bien alors, qui t'empêche d'admettre que sa femme puisse être heureuse? Je ne dis pas cela, et pourtant, quoi, il est juif. Alors ne parlons plus de ce mariage. Si maman et toi vous lui êtes opposés, cela suffit, restons-en là. Tu le désires donc? Je n'en sais rien. Mais franchement, je ne peux pas le repousser par cela seul que Michel est juif. Pour moi, un juif est un homme comme un autre, bon ou mauvais, selon son caractère particulier, mais qui, en sa qualité de juif, est souvent plus intelligent, plus soucieux de plaire, plus aimable dans la vie, plus souple, plus prompt, plus commerçant dans les affaires que beaucoup d'autres. Je ne peux donc partager ton préjugé. Il s'applique beaucoup plus au sien qu'à lui-même, ce préjugé. C'est déjà quelque chose. Je trouve, comme toi, Michel, un aimable garçon, et si je le voyais pour la première fois, si on énumérait les qualités que je lui reconnais volontiers, si l'on me disait qu'il désire épouser ma fille sans m'apprendre en même temps qu'il est juif, je serais tout disposé à le considérer comme un gendre possible, et peut-être même désirable. Mais il n'est pas seul, il a les siens autour de lui, il a sa grand-mère. Et quand M. Eck m'a présenté sa demande, je t'avoue que je n'ai vu qu'une chose, la vie de Berthe dans la maison de cette vieille juive fanatique. Et pourquoi Berthe vivre-t-elle dans la maison de Mme Eck et sous la direction de celle-ci? Cela n'est pas du tout obligé, il me semble. D'ailleurs, la vieille Mme Eck mène une existence si retirée qu'elle ne doit pas être une gêne pour les siens. Je comprends que si tout ce qu'on dit d'elle est vrai, cette existence est bizarre. Mais tu sais comme moi que ce n'est pas du tout celle de ses enfants, qui ont nos mœurs et nos habitudes, ni plus ni moins que des chrétiens. « Ainsi, tu veux ce mariage ?» dit Madame Adeline avec un certain effroi. « Je ne le veux pas plus que je ne le veux point. Je ne lui suis pas hostile et trouve qu'il est faisable. Voilà la vérité vraie. Il y a quelqu'un qu'il touche encore de plus près que nous, c'est Berthe. Aussi, avant de dire « il se fera ou ne se fera point », je trouve que Berthe doit être consultée. Pour maman, ce mariage serait l'abomination des abominations. Pour toi, qui es d'un autre âge et que la tolérance a pénétré, il serait inquiétant, sans que tu puisses cependant le repousser par des raisons sérieuses et autrement que d'instinct, sans trop savoir pourquoi. Pour Berthe, il peut être désirable, c'est à voir. Si elle l'acceptait, il y aurait là un affaiblissement de préjugés tout à fait curieux, mais qui, à vrai dire, ne m'étonnerait pas. Madame Adeline avait ravivé le feu qui s'éteignait. Elle fit asseoir son mari devant la cheminée et s'assit elle-même à côté de lui. « Ainsi, tu veux consulter Berthe ?» demanda-t-elle. « N'est-ce pas la première chose à faire? Je ne veux pas plus la marier malgré elle que je ne voudrais qu'elle se mariât malgré moi. Et ta mère? À Berthe d'abord. Si elle ne veut pas de Michel, il est inutile de nous occuper de maman. Au contraire, si elle est disposée à accepter ce mariage, nous verrons alors ce qu'il y a à faire avec maman et avec toi. Oh, moi, je ne voudrais que ce que tu voudras et ce que voudra Berthe. Il est évident que la répugnance avec laquelle j'ai accueilli la demande de M. Eck n'était pas raisonné. Je reconnais qu'aucun reproche ne peut être adressé à Michel, et s'il n'est pas le gendre que j'aurais été chercher, il est cependant un gendre que je ne repousserai pas. Il n'y a donc pas à s'occuper de moi, mais ta mère. Tu interroges Berthe, et elle te répond, je le suppose, qu'elle sera heureuse de devenir la femme de Michel. J'ai peine à croire que jusqu'à présent, elle ait vu en lui un futur mari, et qu'elle se soit prise pour lui d'un sentiment tendre. Mais du jour où tu lui parles de ce mariage, ce sentiment peut naître et se développer vite, car je conviens sans mauvaise grâce que Michel est beau garçon et qu'il sait mieux que personne être aimable quand il veut plaire. Alors, qu'arrivera-t-il? Ou tu passes outre, et c'est le malheur de ta mère que nous faisons, à son âge, avec son despotisme d'idées, cela est bien grave, et la responsabilité est lourde pour nous. Ou tu subis le refus de ta mère, et alors nous faisons le malheur de Berthe si ce sentiment est né. Je passerai outre, et j'ai la conviction que maman, qui comme toi a été surprise, finirait par entendre raison. » Madame Adeline leva la main par un geste de doute. Elle connaissait la maman mieux que le fils ne connaissait sa mère, et savait par expérience qu'on ne lui faisait pas entendre raison. « J'admets, dit-elle, que tu obtiennes le consentement de ta mère, mais tout n'est pas fini. Il y a un empêchement à ce mariage qui vient de nous, de notre situation, et que ni l'un ni l'autre ne pouvons lever. C'est la dot. Pouvons-nous dire à M. Eck que nous marions notre fils sans la doter? Et pouvons-nous faire cet aveu sans faire en même temps celui de notre détresse? Je ne veux pas revenir sur mon préjugé et dire que c'est parce que Michel est juif qu'il refusera une fille sans dot, alors surtout qu'il doit s'attendre à une certaine fortune escomptée vraisemblablement à l'avance. Mais il est commerçant. Et trouveras-tu beaucoup de commerçants dans une situation égale à celle des Eck et d'Epps qui épouseront une fille pour ses beaux yeux? Nous pouvons donc en être pour la honte de notre confession, et Berthe pour l'humiliation d'un mariage manqué. Est-il sage de nous exposer à un pareil échec qui, se réalisant, aura des conséquences désastreuses, non seulement pour Berthe, mais encore pour notre crédit? Réfléchis à cela. » Ces derniers mots étaient inutiles. À mesure que sa femme parlait et déduisait les raisons qui s'opposaient à ce mariage, Adeline, qui tout d'abord l'avait écoutée en la regardant, se penchait vers le feu, absorbée manifestement dans une méditation douloureuse. « Tant d'années de travail, murmura-t-il, tant d'efforts, tant de luttes, de ta part tant de soins, tant de fatigue, tant d'énergie, pour n'arriver là, pauvre Berthe. Que ne t'ai-je écouté quand il était temps encore ?» Elle le regarda, tristement penchée sur le feu qui éclairait sa tête grisonnante. Quel changement s'était fait en lui ces derniers temps? Comme il avait vieilli vite, lui qui jusqu'à 40 ans était resté si jeune. Comme sur son visage au teint coloré les rides s'étaient profondément incrustées. Ses yeux, autrefois doux et le plus souvent égayés par le sourire, avaient pris une expression de tristesse ou d'inquiétude. « Si encore, dit-il en suivant sa pensée et en se parlant plus encore qu'il ne parlait à sa femme, on pouvait entrevoir quand cela finira et comment. J'ai été bien imprudent, bien coupable de ne pas t'écouter. » Madame Adeline n'était pas de ces femmes qui mettent la main sur la tête de leur mari lorsqu'il va se noyer. S'il s'attristait, elle l'égayait. S'il se décourageait, elle le réconfortait. De même que s'il s'emballait, elle l'enrayait. « Je n'étais sensible qu'à l'intérêt immédiat, dit-elle. Mais crois bien que j'ai compris toute la force des raisons qui t'ont retenu. À 30 ans, ayant sa position à faire, on pouvait courir cette aventure. Mais à ton âge, et dans ta situation, il était sage et naturel de ne pas oser la risquer. Ce n'est pas moi qui jamais te reprocherai de t'être abstenu. Tes reproches seraient moins durs que ceux que je m'adresse à moi-même, car tu n'as vu que les raisons avouables qui m'ont retenu et tu ne sais pas, toi qui cependant me connais si bien, celles que j'appelais à mon aide quand je me sentais prêt à te céder. Un jour, il y a 3 ans, c'est-à-dire un moment où nous avions encore les moyens de transformer notre fabrication, j'étais décidé. J'avais tout pesé. Et en fin de compte, j'étais arrivé à la conclusion évidente, claire comme le soleil, que c'était pour nous le salut. J'allais te l'écrire et j'avais déjà pris la plume, quand une dernière faiblesse, une sorte d'hypocrisie de conscience m'arrêta. Au lieu de t'écrire à toi, ici, à Elbeuf, j'écrivais à Roubaix, pour demander des renseignements sur le prix que nos concurrents payent le charbon, le gaz, le mètre courant de construction. La réponse m'arriva le surlendemain. « Le charbon que nous payons 240 francs le wagon coûte là-bas 120 francs. Le gaz, grâce aux primes de consommation, coûte 15 centimes le mètre cube. Enfin, la construction d'un bâtiment industriel revient à 22 francs le mètre superficiel. Tu vois, sans qu'il soit besoin que je te le répète, tout ce que je me dis. Et comme je ne cherchais qu'un prétexte et qu'une justification pour rester dans l'inertie, je ne t'écrivis point. Les choses continuèrent à aller pendant que je me répétais glorieusement les raisons qui me paralysaient, et elles finirent par nous amener au point où nous sommes arrivés. » Il se leva et se mit à marcher par la chambre à grands pas avec agitation. « Heureux, s'écria-t-il, ceux qui ne voient qu'un côté des choses. Ils peuvent se décider et agir, ils ont de l'initiative et de l'élan. Moi, je suis ce que l'on peut appeler un bonhomme. Je vous aime tendrement, toi et Berthe. Je n'ai jamais voulu que votre bonheur, et je fais votre malheur. La faute en était-elle à mon caractère, à mon éducation? Est-ce le milieu dans lequel j'ai vécu pendant les belles années de ma vie, tranquille, heureux, sans avoir à prendre des résolutions, entraînant avec elle des responsabilités. Toujours est-il que lorsque je suis en face d'un obstacle, j'y reste, comme si pendant que j'attends il allait disparaître lui-même, s'enfoncer ou s'envoler. « Il n'y a que toi pour te plaindre d'avoir trop de conscience, » dit-elle tendrement, « tu es le meilleur des hommes. »« À quoi cette bonté a-t-elle servi? Qu'ai-je fait pour vous? Que je meure demain, quelle sera votre position? Celle que mes parents m'avaient faite, je ne vous la laisse pas. Tu aurais été seul, tu aurais été libre, tu l'aurais améliorée, cette situation. Moi, le meilleur des hommes, comme tu dis, je l'ai perdu. Et aujourd'hui, j'ai le chagrin de ne pas pouvoir marier notre fille comme j'aurais voulu. J'avais fait de si beaux rêves quand nous étions encore les Adeline d'autrefois. C'était à peine si par le monde je trouvais assez de maris pour faire mon choix. Et maintenant ?» Il fit quelques tours par la chambre, puis revenant à sa femme et s'arrêtant devant elle. « Eh bien maintenant, pour le mariage qui se présente, je ne ferai point ce que j'ai fait toute ma vie, me disant, il est bien difficile de l'accepter. Mais d'autre part, il est bien difficile de le refuser. Attendons que ces difficultés disparaissent d'elles-mêmes. Pour moi, j'ai pu me perdre dans ces hésitations malheureuses. Je ne les aurai point pour Berthe. Demain, j'irai avec elle aux Tuileries et là, dans la tranquillité du tête-à-tête, je l'interrogerai. » Cela fut dit avec résolution, mais aussitôt le caractère reprit le dessus. « Après tout, elle n'en voudra peut-être pas de ce mariage ?»